Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 226, spécial film sur la guerre du Vietnam. Et pour cette émission, je suis accompagné de Théo. Eh ben bonjour, bonjour Alain. Notre invité du jour avec lequel nous allons trouver les films qui traitent de ce sujet, puis aussi découvrir les liens qu'il a avec le cinéma. Eh ben merci de m'accueillir Alain, et puis évidemment petite dédicace à Marlène et Lilian qui sont là pour m'accueillir, et je les remercie aussi. Eh bien, on va commencer tout simplement. Bah, quelle est ta profession ? Alors aujourd'hui, je suis auteur et réalisateur. Voilà, je me lance dans le monde du cinéma. Je suis également membre de la SACD pour accentuer tout ça. Mais avant, je ne suis pas devenu auteur et réalisateur comme ça. Avant, j'étais ancien réalisateur de publicité. Donc, je réalisais des films publicitaires pour des PME qui passaient en télévision. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Et un jour, je me suis dit, rupture conventionnelle, je me lance. Tout simplement. Et même avant ça, encore, pour raconter un tout petit peu avant, j'ai même fait un job avorté de cadreur monteur dans une entreprise dans l'immobilier, dans le sud-ouest, mais j'ai été viré au bout d'une semaine. Ça m'a fait beaucoup rire, tout ça parce que je faisais des blagues. Pourtant, tu faisais du montage. Oui, aussi. Dans la série Blague foireuse, c'est pas mal non plus. Hein. Ah bah, j'ai tout fait, honnêtement. Et donc, oui, maintenant, tu te fais plaisir, disons. C'est ça. Maintenant, je vais essayer de me faire plaisir. Je me donne à peu près 2 ans pour me lancer, essayer de voir où est-ce que ça mène tout ça. Donc, en termes d'écriture, j'ai déjà écrit pas mal de scénarios. C'est aussi pour ça que je suis devenu membre de la SACD. Et petit à petit, c'est essayer de rentrer dans la réalisation, notamment aussi pour évoquer les jeunes auteurs aussi qui veulent se lancer. Essayer les résidences d'auteurs, notamment qui existent. Il y en a pas mal à travers la France. Et notamment, il y a aussi un festival assez intéressant, d'ailleurs, le seul qui parle de scénario, le Festival de Valence, qui est très intéressant, auquel vous pouvez participer. Et puis, si vous êtes sélectionné, c'est pas encore mon cas, j'ai les réponses en mars. Bah, c'est un festival de catégorie. Et puis, bah, il y a les coups de pouce, c'est un peu comme on s'est rencontrés ensemble. Ah bah, bien sûr. SS 117. Bien sûr. Est-ce que je peux raconter? Parce que c'est quand même drôle. Vas-y. Je vais essayer d'être concis. Donc, en gros, dans les faits, on va voir, donc, au CGR à Tours Centre, d'ailleurs, petite dédicace à Mehdi très sympathique. On va voir SS 117. Mais pourquoi on va voir SS 117? On l'a en DVD, on l'a vu 20 fois. Parce qu'il y a monsieur Jean-François Alain, scénariste du film, il est là. On a vu le film. Il y a eu la petite foire aux questions qui a duré 1h45, montre en main. Et après, moi, il y a quelque chose que je fais jamais, c'est les dédicaces et tout ça. Moi, je fais jamais. Mais moi, comme j'avais eu ma question, je suis allé remercier monsieur Alain pour dire merci d'avoir répondu à ma question, tout ça. On commence à parler un peu d'écriture et tout ça. Et il y a quelqu'un qui déboule dans le champ, pouf, direct. Bonjour, monsieur Alain, je viens faire dédicacer mes Blu-ray. Et j'ai pas compris, je me suis fait un peu spoiler ma place. Donc, je dis, c'est pas grave, je vais parler à quelqu'un. Et je suis revenu à la fin des dédicaces, j'ai reparlé à monsieur Alain. Et il y avait l'autre Alain, celui qui est en face de moi. On commence à bien parler cinéma, tout ça. Et après, comme j'étais en béquille pour le coup, il propose gentiment de me ramener. Et c'est là, dans la voiture, je commence à parler de ma haine de 2001, l'Odyssée de l'espace. Détestez-moi si vous voulez, je m'en fous. Il me ramène à la maison et à la fin, il me dit, bah tiens Théo, j'ai une émission de radio, tu viens enregistrer l'année prochaine. Je lui dis, ok. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça c'est. Et puis non, ce que je voulais surtout que tu dises, c'est que t'as eu le Jean-François Alain très sympathiquement. T'as dit, bah envoie-moi ce que tu fais. Ouais. Et... Bien sûr, bah c'est ça. On s'est échangé nos contacts. Là, il est sur l'écriture d'une série actuellement, donc j'ai pas trop de nouvelles, mais on a échangé les contacts avec Jean-François Alain, très sympathique monsieur Alain, et j'ai bien fait de venir malgré les béquilles. Alors sinon, quelles sont tes autres passions ou hobbies dans la vie? Oh bah premièrement, je veux parler de théâtre d'improvisation. Moi, ça fait bientôt 4 ans que je fais du théâtre d'improvisation, donc à la Compagnie La Clé pour le coup. Et moi, j'aime beaucoup par rapport au théâtre un peu plus conventionnel où on doit apprendre un texte, rentrer dans les personnages. Là, avec le théâtre d'improvisation, on vient avec son univers, même si c'est du n'importe quoi. Au moins, ça trouvera preneur. Et notamment, petite anecdote, je vais jouer donc au Verret de Saint-Pro Festival le 29 mars avec donc la Compagnie La Clé. On fait un match face à la LITA, la Ligue d'improvisation Touraine amateur. En dehors de ça, sinon, je suis très très sport, moi, je suis un fouteux, ça se voit peut-être pas avec mon physique de rugbyman, on me l'a dit 10 fois, mais à la base, moi je suis fouteux, sinon j'aime beaucoup le basket, le handball aussi, j'ai mon cousin qui est pro au handball, après bah, l'écriture, mais ça fait... Puis aussi le vélo, hein, parce que on a pu le voir aujourd'hui, parce que quand même, hein, c'est le seul invité qui est capable de faire Tour Radioactive Mont-Louis en vélo. J'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, c'est mon seul moyen de transport. C'est vrai, le vélo, j'adore le vélo, j'ai même été à Chenonceau en vélo. Ah super, j'ai adoré la route. Sinon après, j'aime beaucoup tout ce qui est écriture, évidemment. Notamment, j'ai commencé par écrire de la musique et petit à petit, je suis rentré dans la fiction. Et enfin, petite passion cuisine, notamment si vous parlez des croque-monsieur de Théo. Bon, ils sont connus dans toute la Touraine. Alors là, on va revenir au cinéma, c'est le moment de le dire. Bien sûr. Et là, on va même remonter dans le temps. Quel est ton premier souvenir de cinéma? Oh, j'ai envie, j'en ai trois en tête, mais le tout premier, c'est Le Roi Lion. Notamment ma grande sœur, qui est née en 95, c'est le film qu'elle regardait tout le temps. Parce qu'en plus, elle était très très fan des animaux. Tout ce qu'il y avait là où il y avait des animaux, ma sœur regardait. Donc, le premier film que j'ai regardé de ma vie, j'avais moins d'un an, c'était Le Roi Lion. J'ai commencé à bien le regarder, puis après, pour étendre un petit peu ma vision, c'est Star Wars. Donc, évidemment, 4, 5, 6, 1, 2, quand j'étais malade, le voisin du dessus, il avait tous les Star Wars en VHS. Je suis allé les voir, et après, le premier DVD que j'ai eu, c'est Star Wars 3, La Revanche des Sith. Et enfin, autre souvenir, mais vraiment en salle, c'est Avatar. Notamment le premier film que j'ai vu en 3D, toute la ville s'était réunie et c'était à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié cette époque-là, où il y avait des entractes à l'époque des films 3D. Oui, il y avait des entractes. Des films très longs, on avait le droit à un entracte. Bah, Avatar, il durait 2h50 et il y avait entracte et il y avait toute la ville qui était venue le voir et c'est pour ça que ce souvenir reste encore dans ma tête. Et justement, bah, bonne transition, on va parler du format. Alors, au niveau des formats de cinéma, ce serait plutôt 3D, noir et blanc, VO, numérique ou trad? Alors, j'ai découvert le cinéma par la VF, honnêtement, et notamment, je vais rendre un petit hommage à Benoît Hamann qui nous a quitté bien trop tôt, pour le coup, avec la voix de Morgan Freeman. J'ai été assez attristé dessus. Mais notamment, j'ai découvert le cinéma par la VF, et petit à petit, depuis à peu près 3-4 ans, depuis que j'ai été à Paris, BNF et tout ça, je revois de plus en plus de films en version originale. Surtout les films coréens, les films japonais, tout ça, je les vois en VO. Sinon, après, moi, je suis assez traditionnel dans ma façon de voir le cinéma. De la plus simple possible, un projecteur, une toile, une ampoule qui a été changée, et on y va. Parce que moi, tout ce qui est 4DX, Onyx, LED, Ice, c'est pas des trucs qui me passionnent. Pour moi, ça rend le cinéma beaucoup trop cher pour ce que c'est, et c'est des artifices. Surtout tout ce qui est 4DX, le siège il bouge, il y a du vent, il y a de l'eau, j'aime pas ça. Un siège rouge ou un siège noir, c'est parfait. T'es un peu comme moi, une fois j'avais été, c'était les débuts de je sais plus quelle technique, on avait été invité à voir cette nouvelle technique, et il y avait un des concepteurs, et il me dit, on commence à discuter, vous avez trouvé ça? Je dis, moi ça me gêne un peu le côté discothèque, je dis, ça m'a plus distrait du film que regarder le film. Bon, exactement. Et donc, le son était très bien, au contraire, un bon son immersif, mais alors les paillettes à côté... Ah, moi j'ai la flemme. Ouais. La 3D, si, pour certains bons films comme Avatar, tu en as parlé. J'ai une petite limite sur la 3D, parce que notamment toi comme moi, on a des lunettes. Et la 3D plus les lunettes 3D, on est là, ça me gêne un peu, mais pourquoi pas en vrai la 3D. Bon, ça va, les lunettes qu'ils nous fournissaient en général, on peut les mettre par-dessus. Donc ça va. C'est pas le pire. Mais très classique, et c'est très très classique en termes de cinéma. Alors maintenant. Question très vaste, que représente le cinéma pour toi? Beaucoup de choses! Mais j'ai pris des notes pour le coup, parce que sinon j'allais me perdre. Là, moi, la première chose que ça représente, c'est l'évasion, très clairement. Peu importe l'univers, que ce soit des univers très factuels, très réels, ou alors des univers fantastiques, science-fiction, aventure, tout ça, moi, c'est l'évasion dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai envie de parler du calme au milieu de la tempête, puisque le cinéma, je fais un effort, je vais au cinéma, je paye ma place de cinéma, je m'assois dans une salle de cinéma pendant 2h, 2h30, 3h, ou des fois 3h30 pour Killer of the Flower Moon, je m'assois dans une salle de cinéma et c'est mon moment à moi, je suis en paix. D'ailleurs, je vais au cinéma tout seul, je suis pas très fan d'y aller à plusieurs, deux, trois, ça me distrait plus qu'autre chose. Moi, je suis un solitaire du cinéma. Et sinon, évidemment, par rapport à mon métier, c'est le développement de mon imaginaire et évidemment le fait que je jalouse tous les gens qui font des trucs. Non, mais c'est vrai que je comprends parce que moi aussi, j'adore voir les films tout seul. Je vais revoir, mais j'adorais justement avec les partenaires ciné, quand on a des avant-premières ou des choses où on est projection presse, j'adore ça parce que on est vraiment à regarder le film. Il n'y a pas ceux qui mangent le pop-corn à côté, les gens qui se lèvent. Alors maintenant, la maladie, le téléphone en permanence branché. Voilà, j'aime bien être tranquille. Ah, moi aussi. Hein. Et je suis d'accord avec toi, c'est un moment d'évasion. Après, on peut rigoler. Ça me gêne pas à la maison d'être avec des potes. On regarde un film. Ah, bien sûr. Mais on rigole. Mais au cinéma, je suis pas celui qui va parler à côté. À moi non plus. Même au cinéma, je suis au cinéma, je rigole pas. Après, moi, j'ai une fâcheuse tendance à ne pas savoir pleurer et rire en public. Donc, même quand il y a des scènes tristes en crevé, je pleure pas. Donc, maintenant, on va te demander quel est ton ou tes film préféré et pourquoi? Je vais me permettre d'en citer 5 et je vais essayer d'être assez concis sur les 5. Le premier, c'est évidemment Le Roi Lion. Roi Lion, c'est au-delà d'un violon d'ingres. C'est aussi un de mes films, c'est aussi un de mes films préférés. Que alors, j'ai... La version dessin animé ou maintenant ce qu'ils en ont fait là? Ah, parlez-moi pas de cancer. Surtout pas. Non, Le Roi Lion, le classique de 94 avec la BO d'Hans Zimmer et Elton John. Celui-là, je le regarde tous les ans. Tout comme, après Star Wars, La Revanche des Sith. J'adore le 6, le 5, le 4. Pas le 7. Mais le 3, c'est vraiment mon préféré. Après, j'ai envie de parler aussi de mon Tarantino préféré, c'est Django Unchained. Jamie Foxx, évidemment, il casse des gueules et il est génial. Et évidemment, un dernier film, je sais qu'on en avait parlé quand on s'était vu. Le titre est très long, je prends une respiration. Les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Je l'adore. Et quand je l'ai découvert, et je l'ai découvert par hasard sur Disney+, je n'ai pas Disney+, je tiens à préciser, je l'ai plus. Mais je l'ai découvert par hasard, et dès que je l'ai découvert, j'ai dit à tous les gens que je connaissais, regardez-le. Il y a ma sœur, elle me dit, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette série Z? Mais c'est Z. Attends, c'est quand même, on faut se rendre compte qu'on est dans les années 80, c'est quand même l'un des seuls films des années 80 où le héros est nul. Ah bah c'est un loser. Jack Burton est un loser. Il assiste même pas à la bataille finale. Rien que pour ça, c'est génial. Et même ma sœur, elle m'a offert une affiche donc de Jack Burton, le meilleur cadeau. Et contrairement à certains films, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite de Jack Burton où on le suit un petit peu, ou dans cet univers quoi. Ouais. Parce que bon, Carpenter nous l'a fait avec New York 1997 et Los Angeles 2013. Ouais. Je m'attendais à ce qu'on revoie ce héros à un moment parce que il y a en plus dans ce Chinatown. Ouais. On aurait adoré. Bon, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'était il y a quelques années où il y a The Rock qui voulait reprendre la suite. Dwayne Johnson en... En Jack Burton, non. Ouais, ça casse un truc. Et même Dwayne Johnson retourne faire du catch au pire un jour. T'étais meilleur en catcheur. Au niveau des acteurs, est-ce que tu as des acteurs que tu préfères? Ah j'en ai un. Je vais citer ma pépite, pépite de tout le monde. Oh, je suis pas original, c'est DiCaprio. Ouais, c'est DiCaprio depuis ses débuts, notamment l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est Gilbert Grape, avec Johnny Depp, celui-là qui est magnifique. Il joue un jeune attardé mental. C'est ça, un jeune autiste, et puis même, moi-même étant TSA, pour le coup, ça m'a bien marqué, ça m'a bien touché, puis après, Basketball Diaries, La Plage, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, parce qu'on en parle souvent avec les invités ici, c'est que DiCaprio a joué beaucoup sur sa belle gueule au départ, mais plus ça a été, plus il a eu des rôles où c'était son rôle. Moi, je trouve ça important aussi de pas être caricaturé dans un style. Oui, clairement. Et puis là où DiCaprio a fait un très très bon choix, c'est notamment à la sortie de Titanic où on lui a proposé tous les grands rôles, les Matrix, les Spider-Man, tous les films de franchise et tout. Il a dit non, je vais faire La Plage. Je vais faire La Plage avec Danny Boyle. Rien que ça, c'est un énorme coup de pied dans la fourmilière et ça a poussé beaucoup d'autres à avoir de très très bons choix dans leur filmographie. Hein. Preuve qu'il aime bien se baigner, hein. Titanic, La Plage, c'est l'eau qui doit l'attirer. il y est allé carrément. Après, je suis un peu moins fan pour être un petit peu plus mesuré, notamment Killer of the Flower Moon. J'ai trouvé qu'il était trop caricatural et trop belle gueule au contraire pour jouer le rôle qu'il a joué. Par De Niro, vraiment. C'est ça. Mais oui, mais pareil, j'étais un petit peu déçu de ce film. Je m'attendais à mieux. Ouais. Très bon film. Ah, c'est ça. Mais des longueurs. Justement, on parlait de films longs. Moments, c'est un peu des longueurs. C'est pas un problème. La longueur n'est pas un problème tant qu'elle sert la narration. Et puis qu'on reste accroché, qu'à un moment, on n'est pas là. C'est ça. Je suis d'accord. Au niveau des actrices, est-ce que t'as une petite chouchoute? Oh, bien sûr, j'ai une chouchoute rousse, blonde, brune. Emma Stone. J'aime beaucoup Emma Stone au Crazy Stupid Love. J'adore. Bon, après, il y a Steve Carell, Ryan Gosling et tout ça. Mais non, Emma Stone, j'aime beaucoup un peu un peu le flegme qu'elle peut avoir aussi bien, un humour britannique, un humour british, même si je sais plus si elle est british. Elle incarne l'humour british. Et c'est ce que j'adore chez elle. Au niveau des réalisateurs. Top 5. Carpenter. The Thing, Jack Burton, Halloween, New York 97, Scorsese, Les Infiltrés. Taxi Driver, The King of Comedy, Wes Anderson, Moonrise Kingdom, j'adore Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, Christopher Nolan, et mon préféré, Monsieur Quentin Tarantino, avec True Romance. Il y a Django, il y a Inglourious Basterds, il y a Pulp Fiction, mais True Romance, une comédie romantique écrite par Tarantino, c'est à voir tous les jours. Ça à regarder tous les jours. Non, bah, ce qui est bien, c'est que tu balayes un petit peu toutes les époques, parce que avec tout ce que tu nous as cité, c'est des, on pourrait dire des grands classiques des réalisateurs, mais dans des genres très différents et donc bah, on comprend que t'aimes le cinéma. Ah bah, j'essaie de regarder le plus de choses possible et de tout aimer, et notamment c'est pour ça que le sujet du jour il m'a beaucoup intéressé. Et donc il y a un truc très important dans les films, c'est la musique. Est-ce que tu as un compositeur que tu préfères? Oh. Je vais pas être original une fois de plus, mais Hans Zimmer quand même. Hans Zimmer, que ce soit sur Interstellar, sur Pirates des Caraïbes, que je me suis refait récemment, le Pirates des Caraïbes 3, jusqu'à la fin du monde. True Romance, encore une fois, c'est Hans Zimmer qui est sur True Romance, et qui magnifique BO, notamment pour petite anecdote, Margot Robbie s'est mariée sur la BO de True Romance. Bah, rien que ça, c'est génial. Et sinon, en termes de film, moi j'adore, bah, c'est la bio du Retour du Jedi, notamment lorsque Luke révèle le visage de Dark Vador au monde et que Dark Vador dit bah, « tu m'as déjà sauvé, fils ». Ça m'a eu avec la toute petite musique, les toutes petites notes à la fin. Oh, ça m'a eu, John Williams, il m'a eu. Donc, bah, on va se faire une petite pause musicale, hein. On va se retrouver après, mais on est sur le thème du jour, Apocalypse Now, avec l'intro qui est... c'est marrant, celle des Doors, et qui s'appelle The End. Magistrale. Une intro avec The End, déjà, ça m'avait fait rigoler, mais bon, on est vraiment dans l'ambiance du film. On est à fond. All the children are edge of town. Ride the King's Highway. Alors maintenant, je vais te demander quel est ton ou tes genres préférés. Films d'aventure et les films émotifs. On dirait que les deux n'ont rien à voir ensemble, mais j'adore. C'est étonnant pour moi, mais j'adore les films où on chiale en creux. C'est pour ça que je vais citer peut-être les Évadés, Interstellar. J'adore les films où on pleure. C'est fou. Et à côté. Et même si tu pleures pas. Même si je pleure pas, mais j'adore les films où il y a des émotions fortes, des émotions puissantes. Et à côté, il y a les films d'aventure avec Indiana Jones et son fouet, et même Le Soleil Vert. Oui. Que des belles aventures. Est-ce que tu aimes les vieux films d'aventure ou tu serais plus ce film récent? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est années 80, 90. Moi, même si je suis né en 97, j'aime beaucoup tout ce qui a été fait années 80, 90. Et même moi, il faut que je redécouvre tous les films des années 50, 60, les films plutôt pulp. Il faut que je les redécouvre et c'est dans mon agenda. Ouais, comme ça, tu deviendras le futur Tarantino. Évidemment, c'est l'objectif. Maintenant, les genres de films qui t'intéressent peu ou pas du tout? Alors, j'ai un genre, c'est le genre horrifique. Même s'il y a des exceptions, tout ce qui est Carpenter ou Jordan Peele, par exemple, mais le genre horrifique, ce n'est pas un genre que j'aime, puisque c'est un genre cinématographique avec beaucoup de navets, beaucoup de nanars, où les réalisateurs sont plus intéressés aux jumpscares, aux maquillages mal foutus, aux comédiens qui savent pas jouer, et aux noirs qui meurent en premier. Les films d'horreur, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, il y a quand même des films qui, comme tu as cité, The Thing, par exemple. Bien sûr. Et L'Entre-deux de la folie. Oui, L'Entre-deux de la folie. Il y a plein, là, des Stephen King. Il y en a des mauvais, mais il y en a des bons aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que, et puis c'est tellement vaste, hein. Ça va du slasher ou alors vraiment le film gore. Moi, c'est pareil, le film comme Saw, par exemple, le premier était bien. Le premier, oui. Mais après, c'est une surenchère de tripes et de sadisme. Ouais, ou tout ce qui est scream, les griffes de la nuit, ou après. Ce qui est marrant, par contre, c'est que des fois, on voit des acteurs qui vont devenir célèbres. Bah, tu parlais des griffes de la nuit, où Johnny Depp se fait assassiner. Donc, c'est assez jouissif aussi de voir ces superstars finir rapidement. Renée Zellweger, qu'on voit à un moment dans Massacre à la tronçonneuse. On la voit toute jeune. Kevin Bacon, qu'on voit dans Vendredi 13. Enfin, voilà, des gens. Ou Jamie Lee Curtis dans Halloween. Jamie Lee Curtis, mais bon, elle a été fidèle, par contre, à toute la saga. Et Fogg aussi, on parlait de Carpenter. Bien sûr. Mais elle n'est pas restée, justement, c'est là qu'on voit que c'est une grande actrice. Bon, elle était d'une bonne lignée, hein, avec les parents. Mais derrière, elle a étoffé son choix, allant même à de l'humour, enfin, je pense, Un poisson nommé Wanda ou des films comme ça. Voilà, c'est quelqu'un derrière qui joue aussi bien de la comédie que du film d'horreur. C'est une des actrices, d'ailleurs, que j'adore, parce que... Elle a une palette de jeux très, très, très, très fournie, assez étonnante pour ce qu'elle est. Donc maintenant, je vais te demander le film qui t'a le plus marqué en bien ou en mal, un truc que tu te souviendras toujours. Alors, en bien, Inception. C'est ma première séance de cinéma qui m'a mis une véritable claque. J'irais même, c'est même aujourd'hui, si on me dit, Théo, est-ce qu'il y a un film qui existe que tu aurais voulu écrire? Bah, c'est Inception, c'est celui-là. C'est le film qui m'a mis une véritable claque cinématographique. Je suis là, ah putain, en fait, c'est ça le cinéma. Même il est sorti après Avatar, et je me suis dit que c'était ça le cinéma. Et en mal, parce que mon père est très très fan des aliens, il adore les aliens, et il y a Prometheus qui est sorti au cinéma. Il a vu la bande annonce, il a adoré la bande annonce. Et on est allé voir Prometheus, on s'est dit non. C'était que des promesses, c'est Prometheus. C'est ça, Prometheus. Non, c'est vrai que le premier était génial. Bien sûr. Puis après, bon, c'est en dents de scie, il y en a qui étaient pas mal, mais bon, les derniers qu'ils ont fait, j'accroche pas trop. Non plus. Même Alien Romulus. Même Romulus, Des belles promesses visuelles, mais au final, ce qu'ils racontent, c'est déjà vu, Fede Alvarez, entoure-toi d'un auteur. Sinon, si je te demandais, le dernier film que tu as vu au cinéma, est-ce que t'en as pensé? Ah bah bien sûr, on en parlait avant l'émission, on parlait d'une comédie musicale française, c'est Joli Joli, de Bastième. Avec le joli casting William Legbill et les autres, j'ai bien aimé, notamment, encore une fois, William Legbill, qui chante très bien. Après, il y a même Clara Luciani, Vincent De Dienne, José Garcia, Grégoire Ludig. Il y a du bon, notamment la plastique. La plastique, le film a une plastique particulière intéressante, même si on a exploré plus d'une fois à la fin des années 70. il y a toujours une joie de redécouvrir cette époque. Même le côté comédie musicale qui peut gêner, moi je le trouve pas si gênant que ça au final, parce que les chansons amènent une histoire, elles amènent quelque chose, que ce soit quand même faire chanter un huissier de justice comme avec Thomas VDB et lui faire chanter des articles de loi, c'est très très marrant. Fallait le trouver. Fallait le trouver, c'est très très marrant. Même que ce soit même Grégoire Ludig, Vincent Dedienne, José Garcia, je le trouve un peu en dessous, il cabotine un peu. Mais en soi, je conseille quand même je conseille d'aller le voir rien que pour avoir essayé de sortir une comédie musicale de presque 2 heures. Et le deuxième ? Il n'y a pas longtemps, j'ai été voir Nosferatu de Robert Eggers. Je préfère le Nosferatu de Werner Herzog. D'accord, oui, bah tu vois, je ne l'ai pas encore vu et je me tâtais pour le voir. Il y a du bon et du moins bon. Après, moi, j'ai un problème avec Nicolas Hoult. Je trouve qu'il ne sait pas jouer. Je suis désolé de le dire pour les fans des X-Men, mais Nicolas Hoult, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors maintenant, alors là, imagine, tu fais une soirée et tu as sûrement déjà fait ça avec des potes. Et puis, tu as envie de leur faire découvrir 3 films. Alors, quel serait ton programme, ta dernière séance? Oh, oh la galère, oh, c'est hyper compliqué. J'ai essayé de me restreindre à un top 3, mais hyper dur. Le premier, c'est The Thing, de John Carpenter. Un film sur la paranoïa, un film où la plastique, les effets pratiques sont magnifiques. Ils n'ont pas vieilli pour l'époque. Kurt Russell magistral dans son rôle, le McCready. Et puis, une fin. On va pas raconter, mais une fin géniale. Le deuxième, c'est True Romance. Tarantino dans la comédie romantique. Il y a pas mieux. Tony Scott, c'est le meilleur film de Tony Scott. On le réduit souvent à des films d'action débiles. Regardez True Romance et vous nous direz. En plus, il y a un casting, il y a Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Christopher Walken, Dennis Hopper. On craint que sur ça, la scène entre Christopher Walken et Dennis Hopper dans la caravane, sur les Noirs de Sicile. Voilà, on a compris. Et le troisième, j'aurais pu citer Star Wars, The Roi Lion, mais j'ai envie de citer un film français de la fin des années 50, début des années 60, j'ai plus la date exacte, d'Henri Verneuil, avec Belmondo, Ventura et Blié, 100 000 $ au soleil. Pas mal. J'ai envie de citer, avec notamment Bernard Blié, qui arrive avec sa petite dépanneuse, il arrive comme ça, c'est tout ce qu'on attend. Et non, j'aime beaucoup, beaucoup ce film-là, et en vrai, c'est mon top 3. Une dernière soirée de cinéma, je présenterai ces 3 longs-métrages. Eh ben, c'est excellent, parce que là, on se balade hein, dans le ciné. Ah, t'as ton côté cinéphage, hein, t'as approuvé par l'émission, il n'y a pas ça. De problème. Magnifique. Eh bien, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le portrait cinémois. Oh. Alors, si tu étais un film... Je serais un mélange de 2 films. Je serais King Kong et Forrest Gump. Parce que je suis assez marginal dans ma façon d'être et dans ma façon de penser. Et donc, du coup, je serais plutôt quelqu'un qu'on a essayé de mettre dans un moule, mais au final, on n'a pas réussi à m'y faire rentrer. C'est pour ça que j'ai pensé à King Kong et puis même Forrest Gump par rapport à sa manière de concevoir le monde. Tu vois, pendant que t'es en train de parler de ça, j'imagine... King Kong en train de courir à la forêt. Ça devrait être dévastateur. il lui faut des Cortez taille 110. Si tu étais un acteur ou une actrice. Alors, quelqu'un qui me ressemble beaucoup, c'est Jonah Hill. Même dans ses choix de films, dans sa carrière, dans son comique naturel, dans sa rythmie naturelle. Et notamment, DiCaprio a adoré Jonah Hill et était étonné qu'un comédien puisse autant improviser avec autant de facilité. Et dire fuck toutes les secondes. Donc non, vraiment, Jonah Hill, vraiment. Bon, au-delà de la ressemblance physique, évidemment, on va passer outre. C'est vraiment un acteur que j'aime bien. Et puis, petite dédicace aux voix françaises, notamment donc Donald Reignoux et Christophe Lemoine, qui le font super bien. C'est important. Une version française avec un bon doublage, c'est quand même pas mal. Ah bah, et bien sûr, bien sûr. Même en faisant un petit aparté rapide sur les VO-VF, il y a le débat VO-VF. C'est pas un débat qui a lieu d'avoir. Les versions françaises, notamment, on a découvert ça depuis toujours, étant enfant. Et même, il y a des films qu'on revoit en VF, Et même, notamment, pour ceux qui crachent sur la VF, il y a des comédiens qui n'auraient pas eu autant de succès sans la VF. Je pense notamment à 2 comédiens, Sylvester Stallone et Bruce Willis. Sans Alain Dorval et Patrick Poivet, ils n'auraient pas eu autant de succès en France. En plus, quand c'était ils arrivent à retransmettre l'humour ou le cynisme, c'est important. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais des fois, on va regarder un acteur, il va être doublé par 2 personnes différentes. Alors déjà, ça va nous gêner parce qu'on est habitué, s'il a fait beaucoup de doublage, et puis des fois, ça le fait pas. Alors qu'il y a des fois, on peut l'oublier. S'il y a 2 bons doubleurs, on va pas... Alors par contre, quand c'est mauvais, Bien sûr, hein. Ça fait mal. Si tu étais maintenant un personnage de film. J'ai envie de parler Marty McFly. La naïveté, l'insouciance, le fait qu'il arrive toujours à se sortir des situations abracadabrantesques. Et pour parler un peu de série par rapport aussi, comme je l'ai dit précédemment, mon TSA, Sam Gardner dans Atypical, où il arrive à parfaitement très bien à jouer l'autisme sans en faire des caisses. Oui, ça fait du bien. Oui, justement, de voir que un autiste, c'est pas la caricature qu'on en fait. Non, c'est pas Rain Man. Rain Man est génial, mais c'est pas Rain Man. Voilà, il y a pas que... Et puis l'autisme, comme pas mal, on parle du diabète ou des choses comme ça. Il y a des autismes, il y a des diabètes. Faut que les gens arrêtent de mettre les gens dans des cases. On a ça en France, mettre les gens dans des cases. C'est exactement ça, et ça me rend fou. Ça me rend fou quand, surtout, nous, on rentre pas dans les cases. Ça rend fou. Eh bien, petite pause musicale avec nous. Nous allons maintenant rester toujours sur le thème avec Hello Vietnam, la bande originale d'un grand classique Full Metal Jacket. Someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost, or someday our own freedom will be lost. Eh bien, maintenant, nous allons passer au coup de cœur. Alors, mon coup de cœur vidéo, c'est « Les confins du monde », un film français réalisé par Guillaume Niclou, qui est sorti le 5 décembre 2018. Donc, ça se passe en Indochine, en 45. Robert Tassin, qui est joué par Gaspard Ulliel, qui est un jeune militaire français et le seul survivant miraculeux d'un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Donc, il arrive à s'extraire du charnier macabre et après avoir erré dans la jungle, il rejoint l'armée rempli de vengeance. Mais, bien sûr, il va avoir du mal à s'intégrer avec des soldats qui, eux, sont plutôt désabusés ou cyniques et dépassés par la cruauté des actions en face des Viet Minh. Et Robert va s'engager alors dans une espèce de quête obsessionnelle et secrète à la recherche des assassins de son frère. Il obtient juste de constituer un espèce de commando informel constitué de Viet Minh prisonniers repentis. Et donc, il va partir à la recherche de Yeo Binh-yen, qui est le chef responsable du massacre et d'autres atrocités commises, entre autres, contre des civils. Et pourtant, sa rencontre avec Mai, une jeune prostituée indochinoise, va pouvoir ébranler ses certitudes. Alors, c'est un peu dans le thème du jour, puisque c'est là la guerre d'Indochine. Mmh. Qui a précédé, on prend les mêmes et on recommence. Vous mettez les Américains à la place des Français et vous avez le même tuyau. J'ai été très surpris par ce film. Il y a quelques films sur la guerre d'Indochine, mais celui-là, j'ai trouvé assez réaliste. Un Gaspard Ulliel qui, malheureusement, trop tôt disparu. Et je sais pas si tu as vu ce film-là. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai qu'en parlant d'Indochine, j'ai en tête notamment le film China Gate de Samuel Fuller, qui est plutôt bien avec une héroïne en puissance. Et vraiment, surtout dans les années 50, les héroïnes, on les voyait pas beaucoup. Et celui-là, j'ai trouvé très très bien. Mais non, j'avoue, le film du jour, je le connais pas et je le découvrirai à la maison. Voilà, ça fait une bonne idée si vous êtes sur le thème. Ensuite, eh bien, alors là, c'est tout trop mon coup de cœur rétro. Un film que j'ai vu récemment sur Arte, que j'avais loupé à l'époque, c'est Drôle de missionnaire, un film britannique réalisé par Richard Longcrain, sorti en 82, donc les fameuses années 80. Et donc, ça se passe en 1906. On a Charles Fortescue, qui est joué par Michael Palin, un des Monty Python. Donc, qui est, en tant que missionnaire revenu d'Afrique, est chargé par son évêque de réunir des fonds nécessaires à la construction d'une mission des filles perdues dans un quartier chaud de Londres. Relevant avec bravoure le défi, il n'hésitera pas à payer de sa personne avec beaucoup de succès pour ramener les brebis égarées dans le droit chemin. Bah, c'est une belle promesse. Une satire de l'Angleterre un peu victorienne, prude et compagnie, avec... dans l'esprit des Monty Python, avec cet humour britannique. Bien sûr. Donc, un missionnaire au milieu de prostituées, c'est terrible. Cette bonne société anglaise qu'on s'aperçoit qui n'a que le nom de bonne société. Ouais. Et avec des personnages vraiment terribles. Je me suis fait plaisir. Bah, c'est les deux films récents que j'ai bien aimés. Et l'autre, c'est Port-Royal, toujours dans... une autre époque, 1947, voilà, c'est vraiment de l'humour britannique, avec ces personnages, justement, qu'on voit apparaître dans les films des Monty Python et tout ça, des fois en petit rôle et tout ça. C'est magique. Mais l'humour britannique, en général, est magique, surtout là. Ce qui est génial dans l'humour britannique, notamment, ce que je trouve génial, c'est le fait que les personnages soient normaux dans des situations extraordinaires. Ils toujours... agissent comme des Anglais. Et puis avec ce flegme, ils sont en train de couler, ils sont en train de boire leur thé, quoi. C'est ça qui est terrible. Et puis, eh bien, au niveau des coups de cœur news, j'ai le Variety qui annonce que Luc Besson veut préparer The Last Man, un nouveau film de science-fiction dans la lignée de La Planète des Singes, dont le tournage est prévu en 2025 avec, entre autres, Snoop Dogg dans le rôle principal. Alors là, on l'a pas vu venir. Là, ça, c'est, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'avais bien aimé Dogman de Luc Besson. J'ai bien aimé Dogman avec Caleb Landry Jones. Mais là, nous sortir un film de SF avec Snoop Dogg. Ah, Snoop Dogg, on le met à toutes les sauces. Après les Jeux Olympiques, là. Alors, Snoop Dogg fait du ski. Snoop Dogg à la plage. Ouais. Non, je sais pas ce que ça va donner. Luc Besson, c'est particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup Angela de Luc Besson, par exemple. Mais après, il y a des trucs que j'aime pas de Luc Besson. Mais... bah, moi, j'ai bien aimé le film qui a été décrié, Valérian. Moi, j'ai bien aimé. Parce que c'est une tentative, sachant qu'en plus que Spielberg himself et Lucas sont inspirés De Valérian. De Valérian. Et puis, bah, ça fait plaisir de voir quand même qu'en France, on est pratiquement avec la BD belge et compagnie, on a pas mal d'auteurs qui pourraient être mis en... qui ont été mis avec plus ou moins de succès. Et plutôt que des fois de faire des scénarios qui tiennent, on est d'accord, qui tiennent pas le pavé, ça serait bien de s'inspirer et de rebosser justement, dès que les scénaristes rebossent sur des sujets. On l'a vu avec Valérian. Pas de chance pour lui en même temps, mais il s'est fait descendre par les Américains parce qu'il y avait les Star Wars en face. Oui, complètement, malheureusement. Donc, fallait vendre du Star Wars plutôt que du Valérian. Et pour l'avoir vu, il n'est pas si mal. Non, il y a largement pire. Et là où Besson, on va dire, a toujours eu une démarche marginale, c'est le fait qu'il ait toujours voulu faire du Made in France. Et je trouve, c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui, même si il y a les... Spécialement dans le cinéma de genre. Surtout dans le cinéma de genre, où il est souvent décrié, il est très mal distribué, il n'y a pas de budget, malheureusement ça se voit. Même si en termes de films de genre, je pense notamment à Ares, qui était sorti avec Ola Rapace, que moi que j'adore pour le coup. Oui, pas mal. Mais malheureusement, et en plus, on est la terre de la science-fiction dans la littérature. Jules Verne. Moi, je pense aussi à René Barjavel, René Barjavel. Je comprends toujours pas pourquoi il y a toujours pas de grandes adaptations françaises de Jules Verne, de Barjavel ou de Damasio. Où sont les auteurs français? De la Porte et de la Patalière, vous êtes bien gentils avec vos KPDP. Faites 2-3 films de KPDP si vous voulez, mais allez faire de la SF. Vous serez magistraux. Oui, et puis même justement, parce que ça mêle aventure et science-fiction, Jules Verne. Bien sûr. Et on a vu, c'est ce que je donne l'exemple typique, Les Trois Mousquetaires de Dumas ont bien marché, Le Comte de Monte-Cristo, ben voilà, on peut adapter et aussi remettre au goût du jour, mettre Monte-Cristo, on est l'exemple typique. Mmh. On a eu des versions avec Jean Marais, on a eu 50 000 versions, mmh. Et là, paf, on découvre... Les gens, et puis c'est intergénérationnel, parce qu'on pourrait se dire « Ah oh ouais, ça c'est vieux, c'est de la littérature ouais. ». Bah non. Bah pas du tout. Pas du tout, pas du tout, et je suis entièrement d'accord. Battons-nous, et puis bah faut féliciter des festivals, comme on a eu Mauvais Genre anciennement, maintenant on a Mauvais Tour, bah voilà, on a des... à Tours, on a des gens qui essaient de se décarcasser pour le cinéma de genre. C'est ça, et puis il faut encourager toutes ces propositions-là, il faut les encourager. Il y a Joli Joli, c'est pas du cinéma de genre, mais il faut encourager ces propositions. Même on a eu Drone, par exemple, il y a quelques mois, il faut encourager ces propositions. Bah, c'est ce que je dis, moi, en général, quand il y a un film de genre français, bah je fais l'effort d'aller le voir, parce que faut encourager, justement, si on veut pas avoir que des comédies franchouillardes tout le temps, ou des polars mal ficelés... Mmh. Ben voilà, bien qu'il y en a des bons. Ah ben, il y en a des excellents. On peut élargir la palette, et puis, messieurs les financeurs, ben, prenez des risques un peu de temps en temps. Et même, notamment, pour finir rapidement, un film de genre, mais québécois, que j'ai adoré, que j'ai vu en mars, c'était Vampire humaniste, recherche suicidaire consentante. Oui, déjà rien que le titre, c'était rien tout que le titre, il est génial, mais moi, je l'ai adoré. En plus, ce qui est très marrant, c'est que c'est l'un des seuls films que j'ai vu où la réalisatrice part avant le film. Je suis là, ah ben d'accord, ben, pourquoi pas. Et proposition de genre géniale ici. Et bien maintenant, on va passer au thème du jour. Alors, donc toujours avec Théo sur le thème « Les films sur la guerre du Vietnam ». Quel est ton film favori sur ce thème ? Il est sur ma chambre, Apocalypse Now. Honnêtement, de Francis Ford Coppola et John Milius à l'écriture. Pour moi, c'est le film qui réussit à rendre la noirceur de l'âme humaine belle. C'est le film à la fois métaphorique, profond, aventureux... Pour moi, c'est tout en un, ce film. Et moi, j'ai vu la version Redux, donc de 3h15 avec le passage avec les colons français. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. J'ai rien d'autre à dire à part que je l'adore. Oui, puis même l'affiche. Même l'affiche. L'affiche est sublime aussi. C'est ça. Et puis, c'est dans l'inconscient collectif. Tout le monde connaît. This is the end. This is the end, qu'on a écouté tout à l'heure. Et puis aussi, la chevauchée des Valkyries, cette idée d'où elle est venue, ces hélicoptères et cette espèce de barjo, dégagez-moi la plage, je veux faire du surf. C'est ça. On s'y attend pas du tout. Ça. J'adore l'odeur du napalm au petit matin. Voilà, au petit matin. Là. Donc le mec, on a l'impression qu'il prend ses croissants et tout. On imagine. Tout est culte dans ce film, et c'est une leçon de cinéma surtout. Même si vous avez adoré Apocalypse Now, il faut que vous regardiez Au cœur des ténèbres, le documentaire fait par sa femme Éléonore. Qui est aussi magistral, comme Francis Ford Coppola le dit. C'est pas un film sur la guerre du Vietnam, le film, c'est le Vietnam. Voilà, bah oui, rien que de faire le film, c'était déjà le Vietnam. C'était une aventure. Alors, pour toi, quel acteur ou actrice représente le mieux ce thème de la guerre du Vietnam ? Je vais d'abord parler d'un acteur qu'on ne voit pas au Vietnam. Je vais parler de Vincent D'Onofrio dans Full Metal Jacket avec le rôle de Baleine. Avec vraiment le côté endoctrinement des mars, avec ce personnage de Baleine qui sort des normes pour le coup, un petit peu gros, un petit peu bonnet, et qu'on va forcer petit à petit à devenir un meurtrier jusqu'à ce qu'il tue son maître de section au final. Rien que sur ça, je dis au final, la guerre du Vietnam, c'est pas que les gens qui sont sur le terrain, c'est les gens qui n'y sont pas allés. On parle aussi des gens qui ne veulent pas y aller. Et puis, ouais, comme tu dis, les gens qui forment des meurtriers, quoi. Ah bah, bien sûr. Qui sont eux-mêmes des propres meurtriers, parce que on voit la manipulation, comment des gens endoctrinés, pour avoir vu l'armée, j'ai vu des gens très gentils devenir des abrutis. C'est exactement ça. Et le conditionnement humain, en mettant des gens, en les enfermant c'est pour ça que le système carcéral, il y a des choses aussi à redire. on enferme les gens, au bout d'un moment, on voit ce que ça peut donner avec un tigre ou un gorille qui est en milieu naturel, qui va pas emmerder les gens, on enferme quelqu'un dans une pièce avec d'autres, on devient fou. Ah bah exactement, et lui-même est devenu fou. Et ce qui est fou aussi par rapport à Baleine, c'est aussi tout ce qui touche à la sanction collective notamment. Il y en a un qui fait une connerie, tout le monde prend. Bon, c'est quelque chose que ça m'a toujours révolté, ça. Et puis notamment aussi la scène où tout le dortoir vient le taper avec du savon. Cette scène-là est très très triste. Et puis notamment la fin de cette séquence-là de Full Metal Jacket où il tue Early Emery. Magistral aussi, et notamment sur Full Metal Jacket, ce qui est marrant, c'est que tout le monde se souvient de la première partie, mais jamais de la deuxième. Où ils sont en Vietnam, personne se rappelle. C'est vrai que la formation est tellement terrible au départ. La création de cette section, pareil. Alors autant il y a un côté camaraderie qui peut être mais exacerbé, ça devient quelque chose d'horrible. Ah bah là, autant l'entraide et la camaraderie, c'est des choses qui sont très bien, mais de là à être camarade dans la saloperie. Non, c'est pas le but. Hein. Et d'ailleurs, dans la plupart des films dont on va parler, vu ou pas vu, on a de bons exemples là-dessus. Et rapidement, je veux aussi parler d'un réalisateur, Oliver Stone, qui a fait sa trilogie du Vietnam avec Platoon, né un 4 juillet, Entre ciel et terre. Il a fait la guerre du Vietnam, le monsieur, et ça se sent. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Au niveau musique de film, le thème que tu préfères pour... La musique de film, ouais, tu te souviendras toujours quand tu évoques ces films sur la guerre du Vietnam. J'ai pas envie de parler d'Apocalypse Now, donc on va pas parler complètement d'Apocalypse Now, et pas que d'Apocalypse Now, et j'ai envie de parler d'un autre film, c'est Platoon. Avec notamment la BO de Platoon qui est magistrale. Au début, ça met dans l'ambiance directe. On est tout de suite dans l'ambiance. On s'attendait un peu à un film qui pète, un petit peu comme Full Metal Jacket, Apocalypse Now, ou Good Morning Vietnam par exemple, des films qui ont une BO qui un peu plus rock, et là pas du tout. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans Platoon. Au niveau des héros de films sur ce thème, lequel que tu vois tout de suite? Là on a parlé de Baleine par bien exemple. Sûr. J'ai envie de citer John Rambo et Adrian Cronauer. John Rambo dans Rambo et Adrian Cronauer, donc Robin Williams, dans Good Morning Vietnam. Deux visions complètement différentes du Vietnam, avec Rambo qui lui est un marginal qui rentre aux États-Unis et qui est complètement salopé pour quelque chose qu'il n'a pas voulu au final, et Adrian Cronauer parce qu'il veut inspirer et insuffler de la joie à des troupes qui n'en ont pas. Ils sont désabusés et tout. Ils sont désabusés et les deux sont marginaux à leur manière. Et puis Rambo, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le conditionnement des gens. Complètement. C'est vraiment l'homme conditionné à faire des saloperies, et ses supérieurs sont bien contents, mais quand... c'est comme les choses qu'on aime bien, puis quand le jouet est plus marrant, on le met à la poubelle. C'est exactement ça, et comme il le dit, c'est pas sa guerre. C'est pas sa guerre. C'est pas lui qui a... Non. Lui revient chez lui, tranquille. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier Rambo était bien pour ça, parce que c'était comment un mec à qui on donne de l'argent, du pouvoir, du matériel, et tout d'un coup, ça devient un SDF, quoi. Complètement. Et moi, mon Rambo préféré, ça reste le premier. Entièrement d'accord avec toi. Eh bien, maintenant, on va passer au fameux quiz vu, pas vu. Tu peux commenter, tu l'as vu, tu l'as pas vu. Je te rassure, j'ai pas vu tous ces films. Moi non plus. Mais il y en a un paquet. Alors, le premier qu'on trouve, c'est un film français, documentaire. J'ai eu de la chance de le voir. En 67, ça s'appelle La section Anderson. Ah, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, pour le coup. Et c'est vraiment une section qu'on suit, une section de jeunes et de moins jeunes conscrits au Vietnam. Et moi, j'étais tombé par hasard, c'était au cinéma de minuit. Donc, il passait ça, et tac, j'ai dit, dis donc. Et on oublie que c'est un documentaire. C'est ça qui est terrible. Ok. Ensuite, un classique. Alors, en 68, Les Bérets Verts de Ray Kellogg's et John Wayne bah, dans bien, le rôle. Bien sûr, je l'ai bien sûr. Oui, bien sûr, je l'ai. Alors, je l'ai bon, caricature, un hein, bon du John Wayne. Bien sûr, c'est John Wayne fait la guerre. C'est John ça. Wayne, disons, c'est le cow-boy qui va au Vietnam. Quoi. C'est ça. Et il a fait ce film-là parce qu'il n'a pas pu aller au Vietnam et il a voulu se repentir d'une manière noble avec ce film. Ensuite, en 69, il y a Hail Hero de David Miller. Non. Bon, je l'ai vu. Bon, petit film sur le Vietnam. Ensuite, Wabin de Raoul Coutard en 70. Ah, je découvre des choses. Ensuite, Les Machines du Diable, The Loser en 70, par Jack Starrett. Oui. Et on retrouve un certain Michael Verhoeven. Ah oui, Michael Verhoeven, oui, bien sûr, oui. Je l'ai vu. Ensuite, en 71, on a... Alors là, la prononciation, je garantis pas. Oui. C'est Nguyen Tin Kong Chandong, de Wong Vinlock. Donc, ensuite, on a eu Shaun Tron Im, de Lee Wong Wo. Et ça, c'est des films qui ont été faits du côté vietnamien. D'accord, c'est pour ça que je ne les ai. Voilà, et malheureusement, ils sont en VO, ouais. Pas forcément sous-titrés. C'est bien là le problème. Voilà, mais par contre, c'est toujours intéressant. Comme on dit, on voit toujours par le prisme du vainqueur ou du vaincu. Là, c'est du vainqueur, puisque c'est eux qui ont gagné, bien au sûr. Final. Et ensuite, on a en 72, Vitouyen, 17 Ngwe Vadim, de Ayn Lin. Encore une autre version, comme quoi eux aussi, ça les a travaillés. Et il y a de quoi. En 78, alors, Le Merdier, Go to Hell with the Spartan, de Ted Post. Celui-là, moi, j'avais bien aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup justement, aimé justement, bah, on celui-là. Montre que ça, Le Merdier, ça porte bien son nom. Ensuite, eh bien... Bon, là, le Cimino, oui. Voyage au bout de l'enfer. Oui, je l'ai en DVD à la maison. J'ai pris ma soirée. Avec Meryl Streep, qu'on découvrait à cette occasion, vraiment. Hein. Et puis Christopher Walken. Des bons personnages. Hein. Ensuite, Les Boys de la Compagnie C, de Sidney Fury. Celui-là, je ne l'ai pas, j'avoue. Je l'ai vu. Bon, honnête, hein, c'est un film sur la guerre du Vietnam, mais on en restera pas. On a ensuite... Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. On en a parlé plus haut et magique. Ensuite, encore un film vietnamien qui s'appelle Can Dong Wang de Nhung Nho Se. Donc, encore une version vietnamienne. Donc, on parle beaucoup des films américains ou européens. Et bien là, on voit que quand même, bah, c'est un sujet, comme je disais, qui a été traité pas mal. Ensuite, eh bien, un film qui... se passe pendant la guerre du Vietnam, c'est, on parlait tout à l'heure de l'avant-guerre du Vietnam ou du pendant, ben c'est R de Milos Forman. Évidemment. Comédie musicale, mais on voit ce jeune conscrit qui est tout fou, tout flamme, c'est le moment de le dire, pour aller partir au combat, et puis finalement, ben, il va se rapercevoir que, ben, il tient la vie, il y a l'amour, les copains, voilà. Et puis, c'est pas terrible, la guerre. Et voilà, et puis un sacrifice ultime de l'amitié, on parlait de l'amitié, dans le bon sens du terme, bien, ce coup-ci, bien sûr. Jusqu'où on peut aller. Donc, moi, je vous le conseille. Hein, je l'avais vu tardivement au cinéma, dans un petit cinéma à Saint-Pierre, quand il y en avait encore un, ça s'appelait le Rexy. Et on l'avait vu avec mes frangines et ma mère, et on était sortis scotchés de ce film-là. Donc, je vous le conseille. Ensuite, Les Héros d'Apocalypse en 80, d'Antonio Margheriti. Alors là, c'est un peu le western spaghetti du film de Vietnam. Ça a été à la mode aussi. Il y a eu beaucoup de... Les Italiens nous ont fait beaucoup de sous-Rambo et compagnie, bien que c'était juste avant Rambo. En 82, Le Rambo de Ted Kotcheff, qui, lui, bon, bien sûr, va devenir le film absolument qui a lancé en fait la mode un peu sur la guerre du Vietnam, tous ces petits films dont je parlais tout à l'heure. Encore un film vietnamien, Van Bai Lat Na Goa de Lee Won Sang Hoa. Ensuite, Don't Cry, It's Only Thunder en 83. Bon, pareil, très influencé par Rambo et compagnie. Retour vers l'enfer de Ted Kotcheff. Oui, bien sûr. Donc, avec ce commando de mercenaires, on pourrait dire, qui est chargé d'aller récupérer le fils d'un des colonels, je crois, si je me souviens bien. Il faut sauver le soldat Ryan, version guerre du Vietnam. Tout à fait. En 84, Au cœur de l'enfer de Sidney Jeffrey, qui est, je regarde bien. Ensuite, un film qui montre pas le côté guerre, mais plutôt le côté du côté des civils, et puis des gens, un peu comme on dirait les harkis pour la guerre d'Algérie, bah, c'est les gens qui ont aidé les Américains, entre autres, à être ce qu'on appelait les traducteurs ou les choses comme ça. Ça s'appelle La déchirure de Roland Joffé, où on voit les conséquences, les fameux camps d'extermination de Pol Pot et compagnie. Ok, bah c'est un peu intéressant. C'est un film qui m'avait vraiment marqué, moi, parce que maintenant, on en parle de plus en plus, mais c'est pour avoir des amis qui ont été là-bas, ils m'ont dit ouf, là, tu vois le musée, c'est un petit peu comme Auschwitz et compagnie, ça te refroidit. Quand tu vois les tonnes de morts, les ossements qu'ils ont fait, c'est vraiment un massacre organisé. Ensuite, on a Birdie d'Alan Parker. Ok, Alan Parker le grand avec Midnight Express notamment. Entre autres. Et ouais, celui-là aussi, tout aussi magistral. Et Birdie, justement, sur ces traumatismes, les gens qui reviennent traumatisés de cette guerre. Certains s'en sortent, d'autres pas. Et là, pas du tout. Et là, c'est pas du tout. Ensuite, on pourrait citer Portée disparue de Joseph Zito. Alors là, les fans de Chuck Norris vont être contents. c'est Retour vers l'enfer, mais version Chuck Norris. Donc ça tatane, ça savate et voilà. Il en faut des films comme ça des fois aussi. Voilà, c'est à la limite de la série Z, on rigole bien. En 85, Coordonnées de mort, donc de Samuel Gasparov et Nguyen Xuan. Donc version disons plus communiste entre guillemets puisque c'est une des Vietnamiens et un soviétique qui ont fait ce film. OK. Ensuite, eh bien, on a en Le Rambo 2, La Mission. Bon, bien sûr. Là, ça devient moins bon. Oui, et on ne va pas parler du 3. Alors, ensuite, on a Opération Dumbo Drop en 85. Ça a vraiment réellement existé, avec cet éléphant royal qu'il fallait convoyer. Donc, et c'est ça qui est fou. Même après le film, je suis allé me renseigner. Parce que ça existe vraiment, et c'est ce truc. Ray Liotta qui joue le chef de cette... C'est vrai. Donc là, il est bon. Moi, j'avais bien aimé parce que justement le sujet un peu foutraque, utiliser des mecs en pleine guerre pour escorter un éléphant, ça c'est terrible. Ça change un peu. Je trouve ça change un peu des films où juste on se castagne. Je trouve, et c'est ça que j'avais bien aimé. Et je te propose maintenant de faire une petite pause après première partie de films plutôt des années, disons, jusqu'aux années 85, quoi, donc des films sur la guerre du Vietnam. Et il y en a beaucoup. Et puis, ben, on va écouter la bande originale de Rambo, quand même. Et quand même. Thank you. Eh bien, retour à l'émission spéciale Me filme sur la guerre du Vietnam, toujours avec Théo. Alors, je te propose dans les quiz vu pas vu, bien sûr, le 86, un classique, on a parlé tout à l'heure, Platoon d'Oliver Stone. Le dernier que j'ai vu. C'est le dernier, je l'ai vu hier, juste avant l'émission. Ah, d'accord. Donc c'est tout vrai. Et franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ah, Willem Dafoe. Willem Dafoe. Et j'ai envie de citer une petite dédicace à John C. McGinley. Aussi, magistral. Il est très très bon aussi. Et puis bien, Charlie Sheen, Charlie Sheen quand il faisait pas n'importe quoi. Ah, c'est pas mon oncle Charlie. Ça change. Et puis Tom Béranger, espèce de... Justement, on parlait des desserts et vrai, il est pas mal là-dedans. Ah oui, très très bon. Top 5 facile. Ensuite, on a Combat Choc en 86. J'avoue, je l'ai pas vu. Moi non plus. En 87, L'Enfer du Devoir, la série. C'est la seule série que j'ai mis... Même si c'est un peu hors sujet, mais bon, moi je pense que c'est la meilleure série qui a été faite sur la guerre du Vietnam. Et je sais pas si non, tu n'as non, pas eu l'occasion. Non, j'ai pas vu du tout. J'ai pas eu l'occasion. On parlait tout à l'heure de la section Anderson. Bah pour moi, je mettrais même niveau. T'as l'impression que c'est tellement bien argumenté. C'est l'histoire d'une compagnie du début à la fin avec ses vétérans qui rempilent et qui on voit ils sont vraiment c'est comme de la drogue, ils sont accros. des humanistes, il y a dedans par exemple un objecteur de conscience. Ok. Des jeunes qui viennent. Ben, on a vu aussi cette mixité, c'est-à-dire la première guerre où on s'en foutait de la couleur des gens, on les mettait, c'était de la chair à canon. Ouais. Et ce qui a fait que il y a eu les mouvements après, bon, Black Panther et tout ça. Voilà, ça a fait bouger aussi des choses. Une partie de l'Amérique, hein, parce que bon, quand on regarde encore, on en est encore loin, mais que c'est resté, ça a permis cette mixité. Et puis bon, bah, un truc qui était pas prévu au départ, bah, c'est la drogue, hein, que morphine, tout ça, opium et tout ça, ils sont. On connaît. C'est en grande partie amené ça. Ensuite, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Bon, hein. Bien sûr, bien sûr. Mon Kubrick préféré. Je parlais en début d'émission, je déteste 2001, mais là, j'adore Full Metal Jacket. Et même la deuxième partie qui est un peu moins connue que la première, notamment la scène de fin où tous les soldats, en fait, redeviennent enfants en chantant M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-I. Ouais. C'est vraiment, vraiment, après, Kubrick, il a un message dans ses films, c'est, ça ne sert à rien, de toute façon, on va crever. Et en fait, c'est un message qui est dans tous ses films, que peu importe ce que vous allez faire, ça va ne servir à rien parce qu'on va crever. Non, c'est, mon moins bon pour moi, c'est son dernier, c'est Eyed Wide Shut. Ah, c'est particulier, c'est particulier. Voilà. Bon, mais bon. L'avantage, c'est que Kubrick, il a pratiquement touché à tout. C'est ça, partie. Sauf le western. Il aurait été prévu. Mais bon, malheureusement, il n'a pas eu le temps. Good Morning Vietnam, de Barry Levinson. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Puis bon, ça fait du bien. Puis ici, c'est un film qui doit être culte à radioactive, puisque c'est la radio, c'est le... ouais, comme tu disais, comment humaniser ce qui est pas humain, quoi. Exactement. Et puis c'est surtout, comme on l'a dit aussi plus haut, c'est un marginal. Et face à une hiérarchie caduque qui est en perte d'autorité, Robin Williams, il est là, je m'en fous. Et puis il montrait que en face, il y a des gens, c'est des humains, c'est pas des... D'un côté comme de l'autre, il y a du bon, il y a du mauvais, et que c'est toujours les politiques qui tirent les marrons du feu. Bon, il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein. Il suffit d'ouvrir les infos aujourd'hui, on voit que toujours, malheureusement, rien n'a changé. Il y a toujours des gens qui se battent pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Exactement. Ensuite, je l'ai revu récemment, Hamburger Hill. Moi aussi, je l'ai revu récemment. Et c'est vraiment une boucherie. Quand on sait que ça a réellement existé, et c'est... Ça fait un choc à la fin. Ça fait penser un peu comme il faut sauver le soldat Ryan, voilà. Genre de film, ça. J'ai aussi envie de parler de Requiem pour un massacre. C'est un massacre. En effet. Ensuite, Strike Commando, Section d'assaut, un film italien réalisé par Bruno Mattei. Une fois de plus, un film sur la guerre du Vietnam, version italienne. Donc, un peu comme les Western Spaghetti. Il y en a des bons, hein, des Western. Bien sûr. Voilà. Et il y a les autres. Ensuite, Air Force Bat 21. Donc, c'est assez sympa sur ces fameux pilotes qui passaient... les pays qui n'étaient pas forcément en guerre autour, comme le Laos et tout ça. Mais et on voit un petit peu voilà, les magouilles politiques, diplomatiques. Et c'est et assez sympa. Ensuite, alors, un truc que je l'avais vu à l'époque avec Gregory Hines, c'est Saigon, l'enfer pour deux flics. Ouh, ça fait longtemps, mais je m'en souviens. Un polar, qui est justement deux policiers qui enquêtent sur les exactions, justement. Bon, on voit que les militaires n'étaient pas tous clean, loin de là. Et moi, j'avais bien aimé. Oui, moi aussi. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais oui, j'en avais un bon souvenir quand j'étais à l'époque film policier. Il était passé devant mes yeux. Ensuite, Platoon Leader en 88. Eh ben c'est le frère qui, c'est pas Chuck, c'est Aaron Norris qui est à la caméra. Okay. En 89, le fameux Oliver Stone, deuxième version dont tu parlais tout à l'heure, né un 4 juillet avec un Tom Cruise qui joue encore. Voilà, qui était étonnant parce que là on jouait pas sur le beau gosse et compagnie. Ensuite, le syndicat du crime de Tuark. Où ça nous explique aussi que la mafia existait grâce à... qui est déjà très présente, mais bon, ça n'a pas aidé la guerre du Vietnam et l'après-guerre du Vietnam. Ensuite, Outrage, Casualty of War en anglais, de Brian De Palma avec Michael G. Fox. Celui-là. Et Sean Penn. Celui-là est très particulier pour moi. Il est dur. Il est très très dur, mais c'est Brian De Palma, carrière très inégale. Mais alors celui-là... J'ai adoré, même si le sujet est très dur. Il est dérangeant, comme tu dis. Il est très dérangeant, avec un Sean Penn sadique, en quelque sorte, même un très bon John C. Reilly, puis Michael G. Fox, qui malheureusement a arrêté sa carrière un peu trop tôt à cause de la maladie de Parkinson. Ouais, et puis justement, on voit que aussi cette omerta de l'armée, quoi. On couvre même les saloperies. C'est ça, c'est... Pour le bien de la nation, entre guillemets. Ça me révulse ce genre de comportement, même notamment ce qui se passe aujourd'hui. C'est fou, ça se répond. Ensuite, on a encore un film italien, une version I ragazzi del 40e Platone, excusez-moi d'italien, je suis pas terrible, de Camillo Tetti. Donc, c'est les hommes de la 42e compagnie, si on traduit. Ensuite, Le Triangle de Fer d'Eric Weston Alors, extraordinaire. Johnny Hallyday. Oui. Dans le rôle de Jacques. Oui, je me souviens. Le copain de ma mère est très très fan de Johnny Hallyday. Ah bah. Et c'est pour ça qu'on est tombé dessus un jour. Oui, moi aussi. Et bon, il a fait des incursions. Je pense à Terminus aussi. Pour les gens qui aiment la science-fiction, l'espèce de sous-Mad Max tourné dans les pays de l'Est. Oui. C'est vraiment du sous-Mad Max. Hein. Je pense que tu l'as vu, non? Non. Bon, voilà. C'est une curiosité. Oh Pourtant, il y avait John Glenn, donc il y avait des bons acteurs, mais bon, voilà. Johnny Hallyday, faut pas lui donner trop de texte. Non. À part en musique, on aime, on n'aime pas, mais bon, faut reconnaître qu'il a de la voix. Assez surprenant. Ensuite, on va Air America de Roger Spottiswood en 90 avec Mel Gibson. Alors, pareil. C'est gens qui transportent du matos un petit peu clandestin. Ils sont officiellement oui mais non, comme dirait l'autre. Hein. C'est l'Amérique qui, dans tous ces petits coups tordus avec la CIA et compagnie. Comme un certain Barry Seal avec Tom Cruise. Voilà, c'est ce genre de... Voilà, la CIA, ils sont toujours derrière. Un coup, on donne on alimente, comment ça s'appelle, les talibans en Afghanistan, on les forme et tout, puis après, boomerang, il nous revient dans la tronche. Bah merde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on voit que c'est toujours, on aime bien foutre le bazar, on vend des armes, mais après, le problème, c'est que les armes, une fois qu'on les a données à des tarés, on sait que ça peut nous revenir en pleine tronche. Ils s'en servent. Ensuite, Le Vol de l'Intruder, en 91, de Stephen Curtis. Alors pareil, c'est un petit peu sur... sur tout ça à côté du Vietnam, ses vols, ses transports, les magouilles de l'armée aussi. Parce que bon, comme partout, hein, y a toujours du matériel qui disparaît, qui est revendu, qui... Oh, mais là, c'est bizarre. Voilà, mais bon, on montre bien qu'il y a toujours des profiteurs de guerre. Ouais. Malheureusement, ça continue. En 93, bien, tu l'as cité tout à l'heure, un film assez émouvant qui s'appelait Entre ciel et terre d'Oliver Stone. Bien sûr, un petit peu dans la même mouvance que Le tombeau des Lucioles. Entre ciel et terre est un super film, surtout venant de quelqu'un, bon, déjà qui a fait la guerre du Vietnam, mais c'est surtout qu'on raconte le point de vue vietnamien. Où, au final, les pauvres vietnamiens, ils étaient à la fois harcelés par le Vietnam du Sud et par le Vietnam du Nord. Donc en même temps, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu te démerdes. On le voit bien que les villageois, ils se retrouvaient au milieu de... il y avait ceux qui étaient vraiment les Viet Minh, qui eux essayaient de libérer, quand on voit ce que ça donnait derrière leur pays. Et puis de l'autre côté, les rattachés au régime officiel, comme tu le disais, et puis aux Américains, avant c'était les Français. Ouais. Donc les pauvres Vietnamiens, ils ont connu que la guerre, et avant c'était la colonie, les colonies françaises aussi. Bien sûr. J'ai un oncle qui a été à une époque qui m'expliquait, les pauvres gars... Ils débarquaient dans les villages, ils foutaient le bordel. Alors derrière, en plus, on voulait foutre notre religion derrière. C'est ça. Et puis on violait les femmes. Non, mais c'est ce qu'ils disaient. Il y a des trucs. Et les gars, qui en sont revenus, ils disent, moi, j'ai vu des trucs horribles. Il dit, parlez plus de l'armée. Fallait pas lui parler de l'armée après. Ah ben non. Et puis surtout après tout le segment avec Tommy Lee Jones, on se dit, elle est sauvée. Eh ben non, elle est pas sauvée. Et Tommy Lee Jones, il finit bien sa vie, je trouve. Ensuite, eh bien, on a Bye Bye Vietnam, encore un film italien en 98 de Camillo Tetti, un grand spécialiste d'ailleurs. Bien sûr, il en a fait plusieurs. Et je vois notamment sur l'affiche que tu as un oubli, un film qu'on mettrait pas dans cette catégorie, mais c'est Forrest Gump de Robert Zemeckis, l'oscarisé sorti en 94. Oui, je l'ai sauté, mais j'allais en parler. Mais bon, Là aussi, il y a des gens qui adorent. Mais moi, j'ai un ami à moi, Victor, s'il passe par là, il le déteste le film. Il le trouve nier comme pas possible. Moi, absolument pas, je l'adore. Non, c'est un beau... En plus, c'est un très bon film historique. Complètement. Pour une fois que les Américains montrent la vérité. Mmh, oui. C'est-à-dire, ils s'en sortent pas glorieux, spécialement. On montre leur système, qu'il y a des gens, qui se bougent les fesses pour faire des choses bien, mais qu'il y en a beaucoup qui se complaisent dans la crasse, c'est le moment de le dire. De voir les saloperies, et puis... Puis aussi de voir comment ce personnage passe l'histoire, les événements historiques, et puis il reste le même. Quoi. C'est ça. Lui, il s'en fout. il vit sa vie, il court parce qu'il a envie de courir. Il a envie de jouer au ping-pong, c'est marrant, c'est drôle, hop, il devient champion. Bah oui. Alors moi, ce que j'adore, c'est quand on lui fait serrer la main des officiels, et oui. C'est où les chiottes. C'est vraiment ça. Moi, j'ai trouvé ça excellent, ce gob qui, avec son copain Booba, justement, ils reviennent du Vietnam. Bien sûr. Ils décident de monter une usine de crevettes, c'est le ça. Truc. Ouais. Et puis toutes ces petites allusions. Le gars qui est défaitiste, mais jamais déçu, finalement, parce qu'il ne comprend pas tout, et vit la vie comme elle vient. Quoi. Et puis le lieutenant Dan, bien sûr. Et son lieutenant Dan. Oui, parce que quand même, c'est un héros. On l'oublie souvent, mais c'est un vrai héros. C'est un vrai héros. Ah, puis la musique, oui. Ah, bien sûr, Alain Silvestri. Marlène est en train de nous dire la musique. Et en effet, la musique dans Forrest Gump. Oh, justement, on se balade aussi, en même temps que lui, on se balade à travers les États-Unis, la musique. Mm. Parce qu'on oublie souvent, et dans les bons films, pour moi, quand ça parle d'une époque, c'est important d'avoir des musiques de l'époque. Ah, bien sûr. Et je trouve que les films sur la guerre du Vietnam ont cet avantage. Souvent, on utilise... même des fois à outrance, je pense au Rolling Stone avec Painted Black, et il y a pratiquement pas un film de américain où il y a pas cette musique, mais bon, ça veut dire qu'en face il y avait aussi une contestation, il y avait pas que des gens qui étaient pour la guerre du Vietnam, et encore heureux, je dirais. Et heureusement, et des fois on aimerait bien que ça soit un peu partout comme ça. Ouais. Même de nos jours, que les gens s'allient contre la guerre plutôt que protester pour ceci, cela. C'est ça. Oui. Ça serait beaucoup plus sympathique. Ensuite, Tigerland en 2000 de Joel Schumacher. Ah Joel Schumacher, un grand copain à moi, j'ai adoré. Chute libre pour le coup avec Michael Douglas, j'avais adoré. Et j'avais suivi avec Tigerland qui est pas mal du tout. Ah, je trouve un peu moins, un peu en dessous. Il arrive après tous les trucs. Il arrive après tout le monde et on est là. Oh. Alors c'est bien, t'as fait ton truc, mais bon, y a les autres. Alors, en 2002, nous étions soldats de Randall Wallace. où on voit Mel Gibson. Encore. Et donc, c'est assez marrant parce qu'on voit le début du conflit avec les Vietnamiens, avec les colonisateurs français, la fameuse guerre d'Indochine. Puis après, c'est les Américains. Puis on nous montre que, bah, de toute façon, ils sont chez eux. Et on vient les emmerder. Et finalement, bah, c'est des pays, c'est comme l'Afghanistan. On peut mettre tout le monde s'est cassé les dents dessus parce que c'est des pays. Vu la géographie, de toute manière, ça fait comme au Afghanistan, on peut faire ce qu'on veut. On n'arrivera jamais. En plus, c'est des gens qui ont connu tout le temps la guerre, donc ils connaissent les tactiques, ils connaissent le. Et puis, ils sont chez eux. Bah voilà. Oui, ils connaissent tout. C'est pour ça que les Américains arrivent avec le napalm. Voilà, parce que, puis c'est comme ça que Monsanto continue à nous pourrir la vie. Il a commencé avec le napalm, comme tous ces criminels de guerre. Qu'on encense encore, malheureusement, au lieu de les interdire, mais bon, c'est que c'est les mêmes qui touchent les pots de vin, donc ça change pas. On a le droit de rien dire. Sauf à Radioactive. Sauf à Radioactive. Ensuite, Sur les chemins de la guerre en 2002 de John Frankenheimer, Airpoint, alors ça c'est une vision sud-coréenne réalisée par Kong Suang. Okay. Donc c'est intéressant aussi de voir les pays limitrophes, parce que bon, bah, le cinéma coréen maintenant... On en parle beaucoup plus. Bon, déjà, dans les années 2000, ça commençait à venir. On a vu beaucoup de films historiques. On avait fait un spécial Corée Cinéphage. Okay. Et on voyait, c'était surtout des films historiques. Et petit à petit, après, c'était le polar, le film d'horreur. Et c'est des gens, maintenant, qui ont des choses... On a vu Parasite, par exemple. Bien sûr. Ça fait toujours plaisir de voir une autre version que notre version européenne. Une version asiatique, mais pas du pays, forcément. Oui. Donc, c'est toujours bien. Ensuite, on a en 2007 Rescue Dawn de Werner Herzog. Bah, Werner Herzog, tu suis Nosferatu, tout ça, tu regardes tout. Hein. The Last Quaid, donc le Tunnel Rats, donc de Uwe Boll en 80. On va s'en passer. Uwe Boll, le problème de Uwe Boll, c'est le mec qui est spécialiste de l'adaptation des jeux vidéo foireux. Oui. Enfin, les adaptations foireuses des jeux vidéo. Oui, et aussi spécialiste du vol du fisc allemand. Oui. Aussi. Aussi, oui, c'est un bon escroc. Bon, le Tunnel Rats, par contre, le sujet est intéressant sur ces fameux combattants qui, parce que les Vietnamiens étaient très forts pour faire des tunnels, mettre des pièges en dessous, passer partout, et on nous montre un peu bah, les mecs que... fallait y aller, le couteau entre les dents, et puis on savait pas sur quoi on est tombé, des pièges, des mines, parce que les Vietnamiens étaient très ingénieux. D'ailleurs, si vous allez au Vietnam, justement, vous pouvez visiter tous ces lieux sur les camps d'extermination de Pol Pot, mais on vous montre aussi les pièges, toutes les saloperies pour tuer des gens de façon pas très catholique. Et voilà, et j'ai un ami justement qui y était récemment et qui m'a dit bah si tu vas là-bas, d'ailleurs, il y avait Maxine qui est une ancienne service civique qui était avec son père et c'est elle qui nous a raconté tout ça, elle dit bah disons c'est un peu spécial mais faut le voir. OK, bah je note l'adresse. Ensuite, nous avons Pentagon Papers de Steven Spielberg. Ou le retour de Tom Hanks à la guerre du Vietnam. Voilà. Mais dans une autre version, avec un petit peu un costard. Oui. Mais très sympathique aussi. Steven Spielberg sait faire du cinéma. Personne lui apprendra quoi que ce soit. En 2018, Point Man de Phil Blattenberger. Je ne l'ai pas vu non plus. Moi non plus. Ensuite, en 2019, on a Danger Close, The Batter... Of Long Tan de Chris Tender. Non, celui-là, je ne l'ai pas non plus. Si, ben, je l'ai vu. Ah. Oh, ça se regarde. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, on a Travis Fimmel de la série Viking qui joue dedans. D'accord. Je l'ai vu récemment. Okay. En 2020, Da Five Bloods, Frères de sang de Spike Lee. Ah oui, celui-là, oui, je l'ai vu pour le coup. Et justement, bah, on voit le côté. Justement, Spike Lee, c'est un petit peu des films noirs, mais pas. Donc, on voit aussi bah, que, comme je disais tout à l'heure, la communauté noire a donné très fort, parce que derrière, on leur promettait une meilleure vie, tatati, tatata, hein, comme on l'a fait avec les Indiens. Les promesses spéciales de nos amis américains. C'est ça. Et par derrière, oh bah en fait non, il y a plus rien. Oui, on a vu tous les chicanos ça qu'on envoyait faire la guerre actuelle, les guerres actuelles au Moyen-Orient. Vous aurez une carte verte pour vous et votre famille. Mmh. Ben, en général, c'est plutôt la carte verte. C'est plutôt quatre planches de sapin, bien vert, et au revoir. Et puis après, les promesses. Mmh. Bah, ah oui, non, mais c'était à votre fils qu'on l'avait fait, la promesse, pas à la famille. Hein. Bah oui. Après, un petit peu long, un petit peu de longueur, un petit peu de longueur, mais quand même assez sympathique à regarder. Ensuite, ben, le dernier que j'ai noté, bien sûr, comme je dis, c'est non exhaustif. The Greatest Beer Run Ever de Peter Farrelly. Donc un peu une parodie, les Farrelly Brothers. Bien sûr. Mais bon, voilà, on a fait à peu près le tour, j'en ai oublié. C'est ça, moi je vais en citer un, mais c'est pas un film sur la guerre du Vietnam, mais c'est une métaphore sur la guerre du Vietnam, c'est Predator de John McTiernan. Oui. Où ça, on est vraiment sur une métaphore, même si ça se passe au Mexique et tout ça, mais c'est vraiment une métaphore sur la guerre du Vietnam, où au final on a Chorzy qui arrive à gagner face au Predator parce qu'il s'adapte à son environnement. Ça me rappelle le maître de guerre. Je n'ai pas triché, je me suis adapté. Exactement. C'est vraiment ça, tu vois. C'est... Exactement. Mais au final, je trouve ce qui est bien sur la guerre du Vietnam, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce sujet-là aujourd'hui, c'est par rapport à pas mal de genres cinématographiques, c'est que il n'y a pas vraiment de films merdiques, il n'y a pas tant de nanars que ça quand on aborde ce sujet-là. On n'est pas sur les films de vampires où les nanars, ça se compte sur les doigts des mains et des pieds. Là, ça va. À peu près tout, à part UV Ball, mais à peu près tout se regarde. Oui, bah après... comme j'ai les parodies italiennes que j'appelle, mais bon, les Italiens nous l'ont fait avec Mad Max, ils nous l'ont fait avec le western. Comme je dis, il y a du bon et du mauvais. Bien sûr. Donc on parle de la série des Django et tout ça, les originaux, la preuve, des gens comme Tarantino s'en inspirés et tout. Bon, le bon, la brute et le truand et compagnie, toutes ces trilogies, il y a du bon aussi. Et ce qu'on retrouve ici. Bien sûr. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux avant-premières ou événements qui vont se passer prochainement avec nos partenaires. Alors, on va commencer d'abord par une avant-première qui s'appelle « On ira » de Enya Bardou, qui sera le jeudi 23 janvier 2025 à 20h. Et elle sera là, Enya Bardou, en présence. Et puis, petit scoop, eh ben, nous aussi, on y sera, puisqu'on va faire un spécial cinéphage. Puisque Mehdi a réussi à nous obtenir, Mehdi, le directeur des CGR Centre, a réussi à nous obtenir eh bien un entretien avec Enya Bardou lors de la projection du film. Donc, voilà, on est sur le coup, Radioactive est toujours sur le coup. Toujours. Ensuite, en avant-première, eh bien, il y a pour les plus petits une nuit aux zoo le 9 janvier 2025 à 10h50 au CGR Centre. Mmh. Une autre avant-première, et les petits sont gâtés, hein, puisque bah, les grands aussi. Oui, les grands aussi. Les Paddington au Pérou le dimanche 26 janvier 2025 à 13h30 au CGR Centre, puisque pour les gens qui ne savent pas, Paddington est un ours qui vient du Pérou. Eh oui. Et ensuite, bien, un petit peu plus de sérieux, puisque le prochain ciné-débat, c'est à nos enfants, et ça sera le mardi 28 janvier 2025 à 20h au CGR Centre. Donc, toujours intéressant, ces ciné-débats, projection d'un film, et puis on discute, c'est souvent organisé en collaboration avec des associations. On peut poser des questions. On a parlé l'autre jour un petit peu de... Bah, l'autre jour, tout à l'heure, plutôt d'OSS 117. Ouais. Bah, c'est comme ça. Tu peux en témoigner, Théo, que c'est toujours très intéressant. Ah, toujours. Ensuite, encore une avant-première. Bah, dis donc, on est gâtés. Ouais. Alors là, si vous avez envie de rigoler, on débranche les cerveaux. God Save the Tuche, le dimanche 2 février 2025, à 18h au CGR Centre. Ouais. Et... On parlait d'Olivier Barou, eh bien non, ce coup-ci, eh bien c'est Jean-Paul Rouve himself qui a décidé de prendre la barre à tuche. Parce que je pense, après 4 films, Olivier Barou avait peut-être envie de faire autre chose. Et puis, je pense que ça peut être intéressant, la vision de Jean-Paul Rouve. Parce que Jean-Paul Rouve, c'est quand même les Robins des Bois, pas que ça. Non, pas que ça. Pas que ça, hein, puisqu'il a eu une carrière maintenant. Donc, ça peut être intéressant de voir la patte. Bon, par contre, ça sera pas le film qui gagnera Cannes l'année prochaine. Absolument pas. Ensuite, une soirée culte avec Little Miss Sunshine au CGR Centre encore, le mercredi 22 janvier à 20h25. Et je vous conseille d'y aller, honnêtement. Je vous conseille, franchement, il est super. Et on a Steve Carell qui est dans le drame, et il est très bon dans le drame. Donc, déplacez-vous, hein, vous voyez le programme qui est vraiment fourni au CGR Centre. C'est une équipe qui se décarcasse, faut le souligner et c'est faut les encourager. Et c'est notamment au CGR Centre que j'ai vu M. le Maudit. Voilà. Donc, rien que sur ça, Il faut encourager les gens qui se décarcassent. Ouais, parce que les soirées cultes, c'est, j'y suis, bah, c'est là qu'on s'est d'ailleurs rencontrés sur ce genre de soirée. Et, bah, voilà, on va rencontrer des gens de tous horizons, des fans de ciné comme nous, des gens qui viennent découvrir le film pour la première fois. Et puis après, il y a cet échange qui se fait dans la salle avec les questions entre gens. Et il y a un after qui est toujours très sympa. Toujours, toujours. Et puis, bien, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le CGR Centre. Il y a aussi les cinémas studios avec qui on travaille beaucoup en collaboration. Alors, il y aura le 32e Festival Désir-Désir au cinéma studio du 18 janvier au 25 janvier avec en avant-première le film La Pampa qui sera le 25 à 19h et de nombreux films, bien sûr, en compétition ainsi que des animations, des expositions. C'est toujours les festivals organisés en partenariat avec les studios. Il y a toujours plein d'événements autour et ça, c'est toujours sympathique. C'est toujours très sympathique ce que fait le cinéma studio, même les après-midi du samedi avec le Cinéado, qui ont une belle sélection de films. Même moi, qui ai plus de 25 ans, je leur ai proposé des films, j'ai envoyé un mail, je leur ai dit, voilà, j'ai plein de films, est-ce que vous pouvez quand même... J'ai ma sélection, faites-en ce que vous voulez. Et puis, c'est très sympathique, ils sont réceptifs à ça. C'est ce que nous disait le nouveau directeur et plus on discutait avec tous les membres en général. Et voilà, c'est des gens qui sont ouverts et qui ont décidé justement de sortir de ce cocon cinéphile à un peu cinéphage. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes maintenant. Ils ont compris que voilà, on pouvait proposer aussi bien des frais de blockbuster qu'on pourrait dire, mais de qualité. On n'est pas obligé non plus de proposer des Marvel. Voilà. Et puis il y a des très bons films. Il y a des pépites qu'on peut découvrir et justement et aussi des films de genre. Exactement. C'est pour ça que notamment il y a une fois, ils ont repassé les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Voilà, entre autres. Et puis ils ont accueilli le festival Mauvais Tour. Et voilà. Donc c'est des gens qui sont ouverts. Et aller au studio, aller au CGR Centre, c'est vraiment des cinémas qui se bougent pour présenter des choses un petit peu différentes, et ça, c'est sympathique. Et de la VO pour ceux qui aiment la VO. Voilà. Et dans ce cadre, il y a aussi le festival Télérama 2025, avec en avant-première Maria, le 28 janvier à 19h, et puis bien sûr, plein d'autres films. Vous allez sur leur site respectif, donc vous cliquez et vous allez avoir les horaires, les programmes sans problème. Et vous allez voir surtout les films qui sortent actuellement. Et puis au studio, il y a de temps en temps aussi des rétrospectives, un peu comme les soirées cultes que nous font les CGR Centres. Donc, bien, nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage numéro 226. Un grand merci à toi, Théo, d'être venu. Merci, Alain, de m'avoir accueilli. Merci à Lilian à la technique. Mais avec grand plaisir. Ça a été toujours aussi parfait, comme d'habitude. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Marlène, qui nous a fait des petites interventions de temps en temps sur la musique, c'était sympa. Et puis, bien sûr, vous pourrez aussi nous retrouver sur notre Facebook Radioactive, en podcast. Mais en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Et un petit mot pour la fin, il n'y a rien de plus beau que l'art pour être soi. Et on finit sur ces belles paroles. Merci, bye bye, à bientôt.